J'ai le poubou, je fais un perso. Si une chaussette, j'y fais un pansement. J'ai le poubou, je passe au réseau. C'est bon, pas de si valorisant. Je suis là, j'ai pris sur le 50. Sans que ça se vole, tu en 50. Y'a le gérant qui fait ses comptes. Ouais, septembre à septembre. J'ai le bourreau, je suis un peu. Je suis bourreau, là, je suis le 22. Je t'ai fait confiance, j'm'en veux. Quand j'ai un bien, on se fait plus la deux. J'ai le poubou, je passe au nord. Je pense à mes soucis, mes remords. Je me fais une queue de façon, tout est mort. Faire ce que je fais tout un an. J'ai le boubou, j'ai le boubou, j'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, j'ai le boubou, j'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'me lève tout boubou. Alors sur de bien et j'oublie tout. Je suis dans l'eau, elle me fait coucou. Elle veut s'approcher, faire le poutou. J'ai tout tes temps, moi j'écoute tout. Y'a que du doudou là dans l'auto. Ouais, t'es tourné, j'ai la beauté. Dans tranquille, mais c'est des dents. J'ai le boubou, je regarde travers. Fais pas le gros quand tu traverses. J'calcule personne, j'ai rien à faire. J'me jamais le nez dans leurs affaires. J'ai le boubou, j'ai le boubou, j'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, j'ai le boubou, j'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'me lève tout boubou. Si ça fait vite, m'endors pas. J'ai le boubou. J'ai fait tout le bruit, tu les en bas. Je sac en bout. Ça dit même pas, je suis en bas. J'suis tout j'avoue. Le week-end, tu es sur nous, je sens pas. J'ai le boubou, j'ai le boubou. J'ai envie d'en faire un. Espèce de gros dégâts, tu sais tout et tu fais tout. À ce qui paraît, tu fais ça.